David Scott. Je pleure. Je pleure pour eux. Je pleure pour les plis innocents, le mal en charme. Le même moi, si tu vois un peu de leur sang dans mes larmes, ça vient pas d'un esprit compatissant. Mais du sentiment coupable, peut-être du mauvais sens de leurs armes. Je pleure leurs coutumes dérobées, leur histoire effacée. Regarde ma plume à des regrets, quand elle écrit au passé, dans le progrès. Pour si peu de choses, regarde ce monde aveugle, regarde-nous tous car on en est la cause. Je pleure pour les pays innocents, le mal en charme. Mais peine-moi si tu vois un peu de leur sang dans mes larmes, ça vient pas d'un esprit compatissant. Mais du sentiment coupable, d'être du mauvais sens de leurs armes. Je perds leurs coutumes dérobées, leur histoire effacée. Regarde ma plume à des regrets, comme t'es décrit au passé, dans le progrès. Pour si peu de choses, regarde ce monde aveugle, regarde-nous tous car on en est la cause. Je le sais, mon cœur finira glacé comme le marbre. Comme une écorce cassée, sans assez de vie pour son arbre. Comme une force dépassée, sans défense et sans armes. Sans âme car on s'alarme, dès qu'on pleure sans voir de larmes. C'est avec quelques gouttes de sang dans les larmes. Avec mes peurs et mes doutes que je vous parle de leurs armes. À l'écoute de nos âmes, charmées par le drame et de nos sens oubliés. Alarmées par le sang et en silence, science et doctrine. En doctrine tous nos sens, supports médiatiques qui reflètent leur puissance. Un seul chemin dans leur sens et nos vies brûlent comme de l'encens. Frère, te demandes-tu d'où vient cette souffrance qui te tue? Époque merdique qui éradique notre nature. Troque notre terre, écrive l'histoire, mais pas sans rature. Époque de rupture, coincé dans sa tendance où on enterre les valeurs futures, là où sa tendance. Juste quelques mots pour dire que même si la vie est dure, elle dure ce qu'elle vaut. Paraît qu'elle vaut ce qu'on endure, y aurait tant à en dire, ouais. Mais je reste inerte, c'est une perte quand la rancœur maintient les pires, nos plaies ouvertes. Je pleure pour les pays innocents, le mal en charme. Le même moi si tu vois un peu de leur sang dans mes larmes, ça vient pas d'un esprit compatissant. Mais du sentiment coupable, d'être du mauvais sens de leurs armes. Je perds leurs coutumes dérobées, leur histoire effacée. Regarde ma plume à des regrets, quand elle écrit au passé, dans le progrès. Pour si peu de choses, regarde ce monde aveugle, regarde-nous tous car on en est la cause. Je pleure pour les pays innocents, le mal en charme. Mais peine-moi si tu vois un peu de leur sang dans mes larmes, ça vient pas d'un esprit compatissant. Mais du sentiment coupable, d'être du mauvais sens de leurs armes. Je pleure leurs coutumes dérobées, leur histoire effacée. Regarde ma plume à des regrets, quand elle écrit au passé, dans le progrès. Pour si peu de choses, regarde ce monde aveugle, regarde-nous tous car on en est la cause. Je suis né en Occident, je sais que c'est juste un coup de chance, un accident. J'en ai conscient, juste un concours de circonstances. Et je vois tant de gens vivre avec ça, tant de gens garder le moral. Alors pourquoi je me sens si mal? Pourquoi je me sens si sale? Pourquoi autant s'y faire, puisqu'ici tout paraît normal? En attendant, toi tu fais comment quand de temps en temps tu vois un peu de leur sang dans tes larmes? Je pleure pour les pays innocents, le mal en charme. Mais même moi si tu vois un peu de leur sang dans mes larmes, ça vient pas d'un esprit compatissant. Mais du sentiment coupable, d'être du mauvais sens de leurs armes. Je pleure leurs coutumes dérobées, leur histoire effacée. Regarde ma plume à des regrets, quand elle écrit au passé, dans le progrès. Pour si peu de choses, regarde ce monde aveugle, regarde-nous tous car on en est la cause. Je pleure pour les pays innocents, le mal en charme. Mais même moi si tu vois un peu de leur sang.